J'ai gardé les particularismes de langage de la romancière lorsqu'ils étaient aisément compréhensibles. Sinon, je les ai remplacés par leur équivalent actuel.